hey, ho, ho, hou, hou, c'est Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 25 avril au 1er mai 2008. Je m'appelle Mathieu Plante et je commence à manquer de phrases en « ou », n'est-ce pas? Quelques nouvelles entrées cette semaine. Enfin, on purge notre palmarès francophone du quart, même un petit peu plus des positions. On a quelques nouvelles entrées. Donc, Guérir la poubelle avec Quand le ciel sera tombé. On va entendre du Philippe B avec La ville est là, du Bivouac avec Dernier round, du Dactylo Fidelity avec In situ. Du côté anglophone, il y a The Kooks avec Always Where I Need to Be. Je pense que c'est peut-être le slogan de Visa. Et The Cat Empire avec So Many Nights. On commence avec les 15e positions. Du côté anglophone, c'est The Kooks, mais on commence avec Guérir la poubelle. Voici Quand le ciel sera tombé. Dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est pour vous offrir. À C'est fou 89.1 FM. anxious. I always think that I know how to be, but I always thought I would end up with you eventually. Do, déjà les oiseaux métalliques volent plus bas et la radio capte les voix des animaux d'Amérique. 100 000 fréquences qui dansent au bout de mes doigts. Entends-tu se noyer le moteur? Je vois des lunes artificielles dans les vapeurs de diesel. Et je vois 100 000 toits, oui, mais un seul fait pour toi et moi. Inappropriate that I should present. The Cat Empire et So Many Nights, nouvelle entrée en 14e position des palmarès. C'est fou, juste avant, c'était la 14e francophone aussi, une nouvelle entrée, Philippe B avec La Ville est là de l'album Taxidermy. Avant ça, c'était les 15e d'autres nouvelles entrées, The Kooks avec Always Where I Need to Be en 15e. Et en passant, le slogan de Visa, c'est Everywhere You Wanna Be. C'était la similarité. Et la 15e francophone, Guéris la poubelle avec Quand le ciel sera tombé, ça vient de Punk égale existentialisme. Il nous reste encore deux nouvelles entrées du côté francophone. Les deux du côté anglophone ne sont pas les nouvelles entrées, ce sont de grandes, grandes chutes. Pourquoi pas commencer par les 13e. Du côté anglophone, c'est une chute de 4 places pour Hear My Prayer de Madcaps. Mais juste avant, voici Bivouac et la nouvelle entrée, dernier round. Dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique. Assez fou, hein, évidemment. Et dans quelques minutes, plus tard dans l'émission, il va y avoir plein de bons contenus, dont une entrevue avec Carquois. Hein? Carquois en entrevue au palmarès, c'est fou, c'est pas à tous les jours. Hein? Yes, I do. Dernier round, je cherche le grand. Encore un soir à régler ses comptes. Appuie donc pour voir, t'es pas game, faut croire. Le contexte tombe, le cortex qui défonce. Five Caps et Hear My Prayer en position numéro 13 du palmarès anglophone cette semaine. C'est une chute de 4 places pour Madcaps, groupe de la Mauricie. C'est triste, probablement leur dernière semaine ou une des dernières. On espère les revoir avec une autre pièce plus tard. Leur album est Kiss the Lion. Juste avant, c'était Bivouac avec la nouvelle entrée, dernier round de leur album, le synopsis de notre histoire. Vous êtes au palmarès. Il faut un condensé de la meilleure musique que c'est faux à vous offrir. Ça, c'est évident. C'est les palmarès. C'est le countdown de la semaine. Parlant de semaine, hein, petit lien douteux ici, pour vous rappeler qu'on change de case horaire à partir de la semaine du 28 avril. Notre émission est toujours en direct les vendredis soirs à 17h, mais les rediffusions sont maintenant le mercredi à 16h et le jeudi à 15h. Donc, mercredi 16h, jeudi 15h, si vous voulez réentendre cette émission ou l'entendre pour la première fois, la savourer, c'est comme un bonbon dur. Comme dirait Madonna, là. C'est comme un bonbon dur. Ça se mâche très bien une fois. Ensuite, tu peux le mettre sur le coin de ton bureau, attendre quelques jours et le remettre dans ta bouche, et c'est toujours aussi bon. Hein? Merveilleux, très très belle image. On est en zone numéro 12. Il nous reste une nouvelle entrée à entendre du côté francophone d'Actilo Fidelity. Mais avant ça, changeons de page, Gilling Gilling, pour voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Parce que pour les gens qui n'écoutent pas souvent, premièrement, vous devriez avoir honte. Deuxièmement, ben, les palmarès, c'est fou. C'est pas seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone. C'est aussi le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. On va faire le premier et le deuxième à l'instant même. Top 10 électronique. C'est anachronique. Dixième position, Arthur Loves Plastic avec Brief Episodes of Joy. En huitième, Client avec Untitled Remix. En septième, Yell Work avec Icolation. Et la dernière nouvelle entrée est une deuxième position, donc on va faire le top 3 avant. Troisième, c'est stable, Cassettes Won't Listen avec Small Time Machine. En deuxième, la dernière nouvelle entrée, Sideliner avec My Guardian Angel. Et le grand numéro 1, montée d'une place pour Quintal avec Translucida. Côté top 10 loud, deux nouvelles entrées. En 10e, il y a Creature avec At the Pulse of Capitulation. En 9e, Testament avec Formation of Damnation. Beaucoup de choses qui riment dans le palmarès loud cette semaine. Troisième position, c'est stable pour In Flames avec The Mirror's Truth. En 2e, c'est aussi stable, Cavaliera Conspiracy avec Inflicted. Et en première place, 7e semaine de présence dans le top 10 loud, c'est toujours stable pour Meshuggah avec Obzin. On fera le top 3 des disques canadiens, le top 30 des albums plus tard, mais avant, voici nos 12e positions. Du côté anglophone, c'est une chute extrême de 9 places pour la très très très bonne pièce de Louis XIV qui s'appelle Guilt by Association. Mais juste avant, voici la nouvelle entrée en 12e position francophone, Dactylo Fidelity et In Situ au Palmarès C'est Fou au 89 FM. about you. No, you never thought you'd be in this place right here where we're at. Well, there's something we must confront now. Louis XIV et Guild by Association en 12e position anglophone. Ça descend de 9 places. Extrêmement grande chute pour Louis XIV. Ça aurait été le fun si ça avait tombé de 14 positions. Je vais faire un beau petit jeu de mots douteux. Alors que ça fait 8 semaines que c'est sur le palmarès. C'est une de ses dernières semaines à cette pièce de Louis XIV. On espère avoir une autre entrée parce que c'est extrêmement bon. J'utilise beaucoup l'adjectif extrêmement ce soir. Je sais pas ce que j'ai. Du côté francophone, justement, c'était la dernière nouvelle entrée d'Actilo Fidelity avec In Situ de leur album Pièce de Résistance. On a commencé le tour de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès tantôt, donc continuons sur notre lancée. Il nous reste le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. Du côté canadien, c'est stable en 3e avec la formation canadienne Hillotrons et leur album Happymatic. En 2e, c'est une nouvelle entrée pour In The Future, l'album de Black Mountain qu'on retrouve en fait, nous on va les entendre un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. Black Mountain dans le top anglophone, on vous réserve des surprises. Et le numéro 1, c'est stable, 3e semaine de présence pour l'album No Sleep At All, The Creature. Du côté du top 30 des albums, c'est là que les choses se corsent avec 4 nouvelles entrées. En 30e, on retrouve Woodhands avec Heart Attack. En 29e, l'album éponyme de Crystal Castles. C'est Virginie qui aurait été contente parce qu'elle en parle depuis plusieurs semaines de Crystal Castles. Mais bon, on lui réservera ça pour la semaine prochaine. En 15e place, nouvelle entrée pour The Kooks avec leur album Conk. The Kooks qui était d'ailleurs une nouvelle entrée dans notre palmarès anglophone. C'était la semaine dernière. Non, en fait, c'est cette semaine, on l'a entendu tantôt. Désolé. Et la dernière nouvelle entrée, c'est la 14e de Cat Empire qu'on a aussi entendu tantôt avec leur album So Many Nights. Du côté du top 3, du top 3 des albums, en 3e, c'est remonté de 2 places pour Hillotrons avec Happymatic, en 2e, Black Mountain avec In The Future, et en 1ère, c'est stable pour Creature avec No Sleep At All. Donc, si on regarde un petit peu les choses, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums est exactement pareil. On dirait des jumeaux, de vraies gouttes d'eau, Two Peas in a Pod, ou peu importe l'expression que vous utilisez pour dire deux choses qui sont pas mal similaires. On est rendu aux positions numéro 11. Du côté anglophone, ça monte de 3 places. C'est Man Man avec The Ballad of Butter Beans. Mais tout de suite, on commence avec Makin Kozapo et sa pièce Miss Parano, qui est une nouvelle entrée la semaine dernière. Son album, c'est Le Zèbre. Et vous écoutez les Palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. j'adore ça, c'est Man Man avec The Ballad of Butter Beans en 11e position anglophone, ça monte de 3 places, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière, et juste avant c'était Makin Kosapo avec Miss Parano qui monte de 4, c'était aussi une nouvelle entrée la semaine dernière, son album s'appelle Le Zèbre. Tantôt on va entendre les positions numéro 10, Shotgun et Duchess 16, mais avant ça, retournons-nous un peu pour aller voir ce qui se passe dans le top 50 des CD les plus vendus au Canada. 34e position, c'est une nouvelle entrée de Jeff Healy avec Mass of Blues. Ensuite, on monte en 15e pour retrouver un album qu'on fait jouer ici à C'est Fou, The Kooks avec Conk. En 13e, c'est Thrice avec Volume 3 and 4 Alchemy Index. En 8e place, on retrouve Rush avec Snakes and Arrows Live. En 7e, c'est le nouvel album de Children of Bodom, Blood Runk. Oh que oui! En 3e position, nouvelle entrée pour Anna Montana et Miley Cyrus, Best of Both Worlds en concert. En 2e position, c'est l'ancien numéro 1, Leona Lewis avec Spirit. Et le grand numéro 1, c'est le nouvel album de Mariah Carey, E equals MC Squared. Ça, c'est selon Nielsen SoundScan pour la semaine qui se termine le 24 avril 2008. Voilà pour les CD les plus vendus au Canada. On fera tantôt un palmarès qui est un petit peu plus proche de nous. C'est le top des CD les plus joués dans les radios universitaires du Canada. Ça s'appelle le palmarès Earshot. Mais avant le palmarès Earshot, retournons à notre palmarès régulier. Du côté anglophone, la 10e position, c'est Duchess 16 avec Cut Up qui monte de 3 places. Et tout de suite, on écoute Shotgun et la pièce En attendant qui elle aussi monte de 3 places. Vous écoutez les palmarès, c'est fou, dans vos oreilles au 89.1 FM. C'est déjà la fin de la première heure des Palmarès. C'est fou! On s'appelle un petit résumé de ce qui a joué dans cette première heure. Du côté anglophone, pour commencer en 15e position, c'était The Kooks avec Always Where I Need To Be. En 14e, une autre nouvelle entrée de Cat Empire avec So Many Nights. En 13e, c'est Madcaps. En 12e, Louis XIV. En 11e, Man. Et on vient d'entendre la 10e position, c'est Duchess 16 avec Cut Up. Du côté francophone, 4 nouvelles entrées. Guéry La Poubelle avec Quand le ciel sera tombé. Philippe B avec La Ville est là. Bivouac avec Dernier Round. Et Dactylo Fidelity avec NC2. En 11e, montée de 4 pour Miss Parano de Maken Kozapo. Et on vient d'entendre la 10e position, montée de 3 places, Shotgun avec En attendant. Dans la 2e heure, reste avec nous parce qu'on va entendre entre autres l'entrevue avec Carquois réalisée très récemment dans nos studios. Ça va être génial et aussi un moment de Vidon à la question, l'émission d'humour extrême. Ça va être la circulation. Les Palmarès si fous continuent dans 2 minutes au 89.fm. Bon, ça, c'est la 2e heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 25 avril au 1er mai 2008. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette 2e heure, il va y avoir de la très, très bonne musique, dont le nom Pas Chic Chic, Le Roi Poisson, Supergrass, Our Pop, c'est Los Campesinos. On va l'entendre dans à peine quelques secondes, la pièce Échappée au sort de Carquois. Ça monte d'une place en 9e francophone et juste après, en primeur assez fou, mettons, une entrevue avec Carquois réalisée par Tommy Auger il y a de ça à peine quelques jours. On va entendre ça, c'est une grosse entrevue. Mais avant, voici leur pièce Échappée au sort. C'est Carquois au Palmarès C'est fou au 89.1 FM, le volume de votre radio. Je sais pas ce que ça veut dire. Ces gardes-là soufflent un vent Car quoi, avec la position numéro 9 francophone, ça monte d'une place dans les palmarès de C'est fou. Dans quelques instants, on va entendre une entrevue que Tommy Auger, stagiaire à C'est fou, oui, a réalisé avec la formation Carquois. Et juste après, on va entendre la position numéro 9 anglophone, Los Campesinos. Vous écoutez les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir au 89.fm. Bonjour, merci d'être venu pour une petite entrevue à C'est fou. Merci. Salut, salut. Premièrement, je voudrais que vous répondiez à une question qui nous chicote depuis quelques jours. Qu'est-ce que ça veut dire le nom Carquois? Carquois, c'est un nom et qui nous va très bien. On a beaucoup de plaisir à travailler avec ce nom-là. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce qu'il y a une signification spéciale au nom Carquois? Non, ça n'a pas vraiment de signification. Tu prends comme tu veux. Ça sonne bien, donc. Ouais. Parfait. Le 1er avril dernier, vous avez eu le lancement de votre troisième album, Le Volume du Vent. Cet album-là a été qualifié d'album concept. Quel concept est-ce que vous aviez derrière la tête pour créer cet album-là? Bien, il a été qualifié d'album concept, mais ce n'est pas du tout un album concept. Et on fait jamais d'album concept. On n'a jamais de plan de match ou de scénario préétabli à l'avance. On avance dans la production d'un disque, puis à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des thématiques qui reviennent, puis on fait juste les coller ensemble, mais c'est vraiment pas un album concept. Dans ce dernier album, les voix prennent une place très importante. Il y a des arrangements de voix très impressionnants, très beaux. Est-ce que vous considérez la voix comme un des instruments privilégiés sur cet album? Oui, c'est exactement ça, parce que... en fait, t'es rendu au troisième album, puis la production de cet album-là, puis je veux dire, on a comme pris conscience de toute l'instrumentation qu'on avait dans le groupe. Donc, puis maintenant, on s'est dit jusqu'à où on peut aller avec un simple piano, une simple guitare, tout ça. Et on s'est rendu compte aussi que la voix pouvait servir autant que n'importe quel autre instrument dans le groupe. Donc, on s'est pas juste servi pour soit chanter des paroles ou quelque chose, mais plutôt faire comme des couches musicale au lieu de remplacer ça par la guitare ou le clavier, trompette également. Dans l'album, vous avez décidé d'inclure deux pièces musicales. Il y a la pièce titre de l'album, Le Volume du Vent. Il y a aussi la pièce Frima. Qu'est-ce qui vous a poussé à inclure des pièces musicales et quelle était l'inspiration en arrière de ces pièces-là? La pièce titre de l'album, Le Volume du Vent, ça avait été composé par Jean ici et Stéphane pour un autre projet. Fait que, puis, je veux dire, on travaille de façon assez spontanée dans le groupe, puis on n'avait pas d'idée préconçue, mais il y avait certains aspects qu'on voulait exploiter quand même, entre autres, avoir des entretours. Donc, ça avait été fait d'une part par Louis-Jean et Stéphane. Puis, un moment donné, un soir, on s'est mis à improviser comme ça parce qu'on avait pas mal terminé tout l'enregistrement de l'album. Puis, on a juste placé un micro en plein milieu de la pièce. Puis, on s'est mis à improviser. Il y avait des amis qui étaient là aussi qui sont mal à jouer avec nous autres. Tout ça. Puis, en même temps, une entretourne, c'est comme une transition pour aller à quelque chose d'autre. Puis, c'est pas quelque chose qui doit attirer ton attention vraiment. C'est quelque chose qui doit juste donner un break parce qu'il y avait beaucoup de pièces sur l'album qui était assez intense, donc nous autres on voulait juste comme quelque chose qui apaise un peu le tout. Okay. Justement aussi sur votre dernier album, il y a plusieurs chansons qui ont des questionnements à l'intérieur. Si on pense à la chanson Façade, il y a beaucoup de questionnements à l'intérieur. Est-ce que justement après 10 ans d'existence avec votre groupe, est-ce que c'était maintenant le temps d'avoir une certaine introspection sur votre groupe et un certain questionnement sur où est-ce que vous vous en allez, d'où est-ce que vous venez? Ben, je pense que ça se fait vraiment naturellement. On pense pas vraiment à... comme je te disais tantôt, on écrit vraiment spontanément. Je pense qu'on le fait au jour le jour, on le fait continuellement. Puis inconsciemment, il y a peut-être des concepts qui reviennent. En fait, pas des concepts qui reviennent, mais plus des trucs qui sont proches de nous. Je dis souvent qu'on s'inspire vraiment de la vie des autres, un peu comme un réalisateur de disques ou... un réalisateur de film, c'est ça que je voulais dire. Vraiment, on écrit sur les autres, tout ça. Puis, ben, des fois, c'est sûr, comme là, on est tous à la fin vingtaine, ça fait déjà 10 ans qu'on joue ensemble. Puis, peut-être que justement, le temps, je pense que la thématique du temps qui revient pas mal sur l'album Le Volume du Vent, là, ben c'est ça. Ça nous a inspiré. Ça, je pense que la vie voulait qu'on que ça soit comme ça. Alexandre Vignon, chroniqueur pour la presse, a écrit sur vous ou a retiré vos propos comme quoi vous avez dit chaque fois qu'on finit un disque, j'ai l'impression qu'il est trop pop. Est-ce que vous avez peur de devenir commercial? Pas nécessairement peur de devenir commercial. En fait, on peur a peur de manquer dans... de contenu ou d'y aller trop facile. T'sais. C'est pas nécessairement le commercial ou pas, parce que on a une opinion assez stricte là-dessus. Là. Contrairement à bien des gens qui cultivent un peu la pensée underground, tout ça, là, moi, ça commence à me faire chier royalement. Il y a une espèce de petite clique de... qui va vraiment dire « Ah, eux autres, on ne lui parle plus, ça n'a plus rapport, c'est plus des gens de l'underground, c'est plus des artistes émergents, c'est des gens qui font dans le pop et tout ça. » Vraiment, on fait la musique qu'on a le goût de faire, puis on fait pas de compromis, zéro compromis. Puis moi, j'aimerais bien ça, ouvrir ma TV puis voir Malajub jouer dans un poste tranquille, dans une émission qui devrait être grand public, puis voir We Are Wolf, puis toutes ces bandes-là qu'on aime bien, Plants and Animals, tiens, pour en nommer quelques-uns. C'est ça. Puis crime, je serais bien content de les voir. Pourquoi qu'on se fermerait des portes, surtout au Québec, on est pas beaucoup, puis on est déjà là à boycotter des affaires, ça n'a pas rapport. Moi, si tu crois en ce que tu fais, si t'aimes tes tunes, tu clenches, puis ça finit là. La musique pop, ce n'est pas un mot péjoratif. Et c'est un défi de faire une chanson qui peut être courte. Tu cherches pas à faire une chanson courte, mais si tu vois que la chanson, tu l'as sortie puis qu'elle est comme ça, tout ça, mais faut pas chercher à la rendre plus fuckée ou plus... T'essaies juste de faire de quoi qui va être concis. C'est ça, en fait, une chanson pop, c'est quelque chose qui est assez ramassé, t'sais. Puis je pense que cet album-là, il y a quelques chansons qui sont peut-être un peu plus que les autres albums qu'on a faits. Puis en même temps, ben, moi, je trouve que c'est un défi. Tout en gardant le son, puis la verve de Carquois. C'était la première partie de l'entrevue avec Carquois, réalisée par Tommy Auger. Ce qui jouait derrière, c'était une des pièces instrumentales de l'album, la pièce titre Le Volume du Vent. On s'en va entendre à l'instant la position numéro 9 anglophone, qui est Los Campesinos et Death to Los Campesinos. Et juste après, ce sera la suite de l'entrevue avec Carquois au Palmarès. Au 89 FM, dans vos oreilles. Yeah. Los Campesinos avec la pièce Death to Los Campesinos en 9e position anglophone. Ça monte de 6 places. Juste avant, c'était Carquois. Là, on s'en va entendre la suite, justement, de l'entrevue avec Carquois réalisé par Tommy Rouget. Restez là, plus tard, on va entendre Our Pops et le nom dans les palmarès, c'est fou. Votre premier extrait vidéo qui vient tout juste de sortir ou il y a quelques semaines, échappé au sort, est vraiment splendide. Des effets 2D, des effets 3D. Merci. Est-ce 4D, check bien ça, 4D. Justement, est-ce que vous prévoyez peut-être vous investir un peu plus dans la création des vidéoclips ou vous préférez laisser peut-être un peu plus ou presque carte blanche à l'équipe de production ou vous aimez rajouter votre touche? Bien, avant, on s'impliquait vraiment beaucoup, puis maintenant, on travaille, ça fait deux clips qu'on travaille avec Alexandra Millotte, qui est une dessinatrice hors pair, qui est vraiment talentueuse, puis nous autres, ça nous fait vraiment triper d'arriver... De voir un produit final, un produit qui puis on a confiance, tu sais. Je pense que c'est là, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on s'investissait trop dans tous les aspects aussi de autour de Carquois, de vraiment la promotion, puis tout ça. Puis à un moment donné, je pense que l'équipe de Parce que Film, puis tout ça, c'est tous des chummies, c'est tous des gens, au même titre que Mathieu Roy, notre éclairagiste, qui va faire une conception visuelle, tout ça. Puis oui, on va y filer des informations, oui, on va lire les synopsis, puis tout ça, mais on va les laisser travailler, puis on va être bien content après. Ça fait que tous les crédits vont à Parce que Film et à Alexandra Millotte. C'est presque un petit cadeau que les gens vous offrent. Ouais, absolument. Trois dernières petites questions en rafale qui n'ont pas nécessairement rapport avec le dernier album, mais plus avec votre expérience et votre parcours en général. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous préférez faire passer, le message ou la musique? Les deux. Un ne va pas sans l'autre? Ouais. Avec Carquois, c'est aucun compromis. On travaille fort, là. En tout cas, Louis-Jean a travaillé très fort pour les textes, puis aussi une partie de la musique. Puis vraiment, essayer de se mettre la barre le plus haut possible, puis tout en ayant du fun là-dedans, puis en se respectant. Voilà. Dans vos 10 ans de carrière, vous avez eu l'occasion de voyager en Europe, aux États-Unis, un peu au Canada. En Australie, Japon. Ouais, c'est ça. Attends, je me rappelle plus. Bangkok aussi, 3 fois. Ouais. Non. Mais vous avez eu l'occasion de voyager beaucoup. Ouais, Est-ce qu'il y a un groupe avec lequel vous aimeriez partager la scène ou repartager la scène avec qui vous avez déjà eu un spectacle? Ouais, ben il y a les Watson. On l'a déjà fait, les Patrick Watson. Qu'on a déjà travaillé avec eux à Winnipeg et puis ça a été extrêmement plaisant, ça a été une soirée vraiment... Puis il y a aussi au Texas la soirée qu'on avait eue aux États-Unis, la grosse soirée québécoise avec les Malajub, les Breastfeeder, puis les Land of Talk, toute cette gang-là de Montréal, nos amis. Puis en même temps, on a vraiment cette espèce d'union, là, cette espèce de force là, collective. Là, votre plaisir, dans le fond, vous le retrouvez en partageant la scène avec des gens, des amis, des gens que vous connaissez? Oui, des gens que... Puis ouais, vraiment qu'on a le même goût de musique, de faire avancer les choses, de faire différent un peu. Et dernière question, est-ce qu'il y a des projets à venir? C'est sûr que l'album vient tout juste de sortir, mais qu'est-ce qui vient là, dans les prochains temps pour Carquois? Oh, il n'y a rien pantoute, on fera plus rien. On arrête tout. Non, ben on a du pain sur la planche, là. On monte le spectacle qui va vraiment partir sur la route officiellement à l'automne prochain. Mais d'ici là, il y a des shows de festival. Il y a une tournée en France au mois de juin, puis... Il y a, c'est ça, des pratiques, le montage du spectacle. Il y a plein de trucs en branle. Il va falloir aller visiter le carquois.com, puis notre blog. Il y a un blog aussi sur le carquois.com. Il y a aussi les communautés MySpace, Facebook. Mais tous les horaires vont être mis en ligne. Là, en ce moment, ils sont vraiment en train de bardasser toutes les dates, puis ça va très vite. Mais avec les festivités du 400e, puis tout ça, de Québec, il y a vraiment... On a un été qu'on pensait à plus relax, puis finalement, il est assez chargé. Donc. Parfait. Donc, on va pouvoir vous voir un peu partout au Québec. Ouais, exactement. Ben, merci beaucoup, Carquois. Merci à toi. Merci. C'était l'entrevue réalisée avec Carquois par notre ami Tommy Auger, collaborateur spécial des Palmarès C'est fou. L'entrevue avec Carquois et l'entrevue avec Creature de la semaine dernière se retrouveront sur le site de l'émission en balado-diffusion au www.unechance.com et sur le site de C'est fou au www.cestfou.ca dans le futur rapproché. De ton palmarès, c'est fou, l'émission qui vous fait découvrir la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On s'en va entendre les positions numéro 8 du côté anglophone. C'est Harry Pops avec Misfit qui monte de 3 places. Mais avant, on s'en va entendre le nom. Et la pièce Princesse, tout de suite, dans les palmes, au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Come on.

Supergrass avec Bad Blood en 7e position anglophone. Ça monte de 3 places juste avant. C'était le Roi Poisson avec premier rang qui reste stable en 7e. Avant ça, c'était Our Pops avec Misfit qui monte de la 11e en 8e. Et du côté francophone, c'était le nom avec Princesse qui monte de 4. Ça fait un gros bloc de 4 pièces. C'est le moment de prendre une petite pause pour voir ce qui se passe cette semaine. Vite, on attend la question. Oh, wow, la belle journée! Oh, c'est parfait pour aller faire du jogging au parc La Fontaine, ça! Hey, excusez, là, y'a pas de bonne pensée! Je suis pas seul qui a eu l'idée de venir faire du jogging au parc La Fontaine, je... Excusez! Attendez-vous, là! Attendez-vous, là, qu'est-ce que vous pensez, là, hey! Et on va rejoindre Peter à la circulation, Peter. Oui, on se trouve dans l'hélicoptère au-dessus du parc La Fontaine et c'est la congestion depuis ce matin. Les joggeurs tout en bloc là, qui courent au ralenti à la queue leu-leu. Et du côté de Rachel et Christophe Colomb, c'est même bloqué jusqu'à la hauteur du restaurant La Banquise. Vous savez où est-ce qu'on vend de la poutine. Et du côté de Patineau, on entre au compte-gouttes dans le parc. Hey, poutine, boulot, pas à peu près, toi. Sacrément, elle se fait chier à courir, tosser sur le monde, toi. Ouais. En tout cas, moi, le sport, c'est bien de rester chez nous, Chris. Hey, t'en vas, ton véhicule, Nabé? Ouais. Je sais pas ce que j'ai. Si j'ai chaud depuis le début de la journée, si tu penses moins pas si j'ai soif, Calice. T'es un peu. Non, mais t'es pas prêt à rien, là. L'odeur de véhicule qui circule dans la maison était 40, hein? Alors donc, comme vous pouvez le voir là sur la grosse madame qu'on a conservée dans le formol, les artères ici là sont complètement bouchées par le gras de bacon, hein? Ça bloque la circulation sanguine et c'est pour ça que cette dame est morte d'un ACR là. C'est le bacon qui l'a achevé finalement. Il paraît qu'il y a des rumeurs qui circulent. Ça a l'air qu'il va avoir un vote de grève demain. Oh ouais? Ah ben m'a fait circuler la rumeur aussi d'abord. Circulez! Circulez, s'il vous plaît! Y a rien à voir! Circulez, s'il vous plaît! Si vous voulez voir des étudiants et des étudiantes tout nus, allez circuler sur l'autoroute électronique à la place! C'était une variation sur le thème de la circulation présentée par Vidon la Tête. Oh shit! Je viens de péter ma boule de cristal qui faisait tout circuler mes énergies! Vidon la dans la question! Si ça revient dans la prochaine émission! De l'émission, l'édition de l'émission, c'est un peu ce que je voulais dire. De Vidon la question, l'émission d'humour extrême sur la circulation cette semaine, assez étrange comme thème. Je dirais pas qu'on gratte le fond du baril des thèmes, mais en tout cas, ça reste très drôle. Vidon la question, première diffusion ici à C'est Fou les mercredis à midi. Ensuite, ça rejoue le vendredi à 9h, le samedi à midi, le lundi à 16h. Et c'est à peu près ça. Donc, pour Vidon la question, nouvel horaire cet été, ça commence la semaine du 28 avril. Vidon la question avec Luc Archambault et Mathieu Saint-Onge, diffusé à plein de stations universitaires, campus et communautaires au Québec. Ils sont d'ailleurs en nomination au Gala des Oliviers. Donc, on est très fiers de les diffuser. C'est Vidon, Ladon, la question. On est rendu aux positions numéro 6 de nos palmarès. C'est fou. Du côté anglophone, c'est Steve Hill avec Long Road qui monte de 2 places, mais on s'en va entendre et des morcelés de pas chic chic. Tout de suite dans les palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir au 89.1 FM. C'est fou, ça, dans vos oreilles. Monica, me tromper, je n'y vois que ça. Sa mini-jupe, Jane, et sa bottine ou ses jambes. We'll be right back.

C'est déjà la fin de la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 25 avril au 1er mai 2008. Donc, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé entre la 9e et la 5e dans cette deuxième heure. Du côté anglophone, en 9e, c'est Los Campesinos avec Death to Los Campesinos. En 8e, c'est Horror Pops avec Misfit. En 7e, Bad Blood de Supergrass. En 6e, Long Road de Steve Hill. Et on vient d'entendre Plants and Animals avec Bye Bye Bye. En 5e, ça monte de deux places. Du côté francophone, en 9e, on retrouvait Carquois avec Échapper au sort. En 8e, Princesse de la formation Le Nom. En 7e, c'est Stable, premier rang du Roi Poisson. En 6e, montée de 3 places pour Ailey Morcelé de la formation Pas Chic Chic. Et on vient d'entendre la position numéro 5, Bonjour Brumaire, avec la fin à Petit Feu qui monte d'une place. Dans la 3e et dernière heure des Palmarès C'est fou, on va entendre la musique de Chocolat, de Zurung, Elephantine, Les Gigolos, Black Mountain, Hellotrons, Creature et The Hives. Qu'est-ce qui est numéro 1? Très bonne question, parce que la semaine dernière, les numéros 1, c'était Les Gigolos. Mm-hmm. Du côté francophone et du côté anglophone, c'était Creature avec Brigitte Bardot. Est-ce que ça tient? Il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission dans environ 1h05 pour le savoir. En passant, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là plus tôt, je vous rappelle les nouvelles heures des Palmarès C'est fou. On est toujours en direct pour la programmation d'été les vendredis soirs de 17h à 21h. On est aussi en rappel maintenant les mercredis de 16h à 19h et les jeudis de 15h à 18h. Tout ça, ça commence la semaine du 28 avril. Donc, soyez avec nous pour ces trois merveilleuses diffusions, ces trois merveilleuses chances d'entendre condenser de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Un petit peu tard dans l'émission, on va faire le plancher, on va le balayer ce plancher. On va parler de gens stupides qui font des choses stupides. Donc, restez avec nous pour cette dernière heure des Palmarès C'est fou pour la session hiver et printemps 2008 au 89.1 FM. C'est fou, ça! Troisième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 25 avril au 1er mai 2008. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Il nous reste une heure de bonne musique, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. En fait, tu sais, on dit que c'est de la bonne musique. Des fois, c'est bon, la bonne musique. Ici, là, c'est que la crème de la crème. Tout ce qu'on diffuse de meilleur sur les ondes de votre radio campus à Trois-Rivières, C'est fou 89.1 FM, à la radio partout en Mauricie et sur Internet partout dans le monde au www.cfou.ca. Parlant d'Internet, de site web, vous pouvez aller voir le www.unechance.com. Ça, c'est le site de l'émission. www.unechance.com. Là-dessus, vous allez retrouver un lien vers Bidon Ladon à la question et le sujet de la semaine. On va aussi retrouver là-dessus l'entrevue avec Carquois et l'entrevue avec Creature qu'on a réalisé très récemment. Et en balado-diffusion, l'émission au complet à chaque semaine. C'est l'endroit où aller. On est rendu à nos positions numéro 4. On va entendre les 4 à première position dans cette dernière heure. Donc, du côté anglophone, on s'en va entendre The Hives avec Won't Be Long qui descend de deux places. Mais juste avant, voici les Gigolos et la guerre des mondes. Oh, l'ancien numéro 1 francophone, on a un nouveau numéro 1. Oh, mais dis donc, il va falloir rester là jusqu'à la fin pour savoir ce que c'est, n'est-ce pas? Les Palmarès C'est fou, au 89.1 FM, dans vos oreilles! for the bad, and I won't stick around in this town. No, I'm getting out instead. The Hives et Won't Be Long en quatrième position anglophone. Ça descend de deux places, cinquième semaine de présence pour leur Black and White album. Juste avant, du côté francophone, c'était les Gigolos avec l'ancien numéro 1, La Guerre des Mondes, de l'album fantasmagorique, en fait, de leur maxi de seulement quelques pièces. On a hâte d'entendre d'autres choses de Gigolos, mais on aime ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. C'est bon, le Gigolo, un groupe de Dolbo Mistassini. Je me suis toujours rappelé de la ville. J'aime bien. Et on est rendu à nos numéro 3. Moi, pour vous dire, pour l'instant, là, je suis en train de préparer la chronique Le Plancher. Je suis en train de préparer mon balai pour balayer Le Plancher. Ça, c'est la chronique des gens stupides qui font des choses stupides. Ça va être d'ici la fin de l'émission dans moins d'une cinquantaine de minutes, c'est ce que ça veut dire. Mais pour l'instant, on va entendre le numéro 3 du côté anglophone. C'est la formation canadienne Helotrons avec Emergency Street qui monte de deux places. Tout de suite, voici Chocolat. Et Piano élégant, la pièce titre de leur album le plus récent. Ça monte d'une position et c'est dans les palmarès, c'est fou! Un condensé de la meilleure musique que ce soir à vous offrir au 89.fr. Oh. La formation canadienne Halo Trons avec la pièce Emergency Street qui est en troisième position du côté anglophone dans nos palmarès. C'est fou cette semaine. Ça monte donc de deux places. Sixième semaine de présence. Leur album est Happy Matic. D'ailleurs, les Halo Trons qui sont en troisième position du top 3 des disques canadiens et du top 3, au top 3 du top 30 des albums au complet. Donc, ça va très bien pour la formation Halo Trons et leur album Happy Matic. On est rendu aux positions numéro 2 déjà du côté anglophone. C'est Black Mountain avec Stormy High. Mais on commence avec Elephantine. Voici en attente de moments présents au Palmarès C'est Fou. Au 89.1 FM, dans vos oreilles. Ah, tantôt, on va parler de pilote viré pour avoir raté une piste d'atterrissage de 24 km dans la conique le plancher. Ça va être drôle, ça! Je capote. See you. Black Mountain et Stormy High au numéro 2 anglophone. Ça monte de 4 places. C'était une nouvelle entrée il y a 4 semaines de ça. C'était leur album In the Future. Juste avant, c'était Elephantine avec En attente de moment présent qui, elle, monte de 3 places. C'était aussi une nouvelle entrée il y a 4 semaines. Ça vient d'album Sous le règne d'un lampadaire. On est déjà rendu à nos numéro 1, les Palmarès C'est fou cette semaine, si vous pouvez croire ça. Hein? Il reste encore une bonne quarantaine de minutes à l'émission, donc on va pouvoir remplir ça d'un bon vieux. Écoutons là-dedans la chanson avec, entre autres, du Crystal Castle. On va écouter du Radio Radio, du OK Go et de Deers, entre autres, dans la dernière demi-heure des Palmarès C'est fou qu'on appelle Écoutons la don la chanson. Mais pour l'instant, dans nos numéros 1, on retrouve quelque chose qui n'est pas tellement vieux. C'est tantôt Black Mountain In the Future, là. Ça, c'est plus In the Past. Hein? In the Past, dans les années 80, je dirais. Je sais pas si. Il me semble qu'il y avait une actrice dans ce temps-là qui faisait des films. Brigitte quelque chose, là, une espèce de créature. Ça me rappelle mon latin, tu sais. Dans ce temps-là, on parlait latin, évidemment, dans les années 80. Zururung, je pense que c'était le mot que j'utilisais le plus souvent. Tantôt, je vais vous nommer les numéros 1 et là, vous allez comprendre mes jeux de mots. Même ça marche ici au Palmarès C'est fou, ça. Au 89.1 FM. C'est là parce que plus tard, je vais faire jouer la version non remixée par Asirka de cette pièce de Zurung. Mais pour l'instant, voici Pop Culture! Bridget Bardot, oui, The Creature. Pop Culture, Creature, Palmarès C'est fou, dans vos oreilles, oui. We'll be right back. Bridget Bardot. I know her better. Make an escape like Bridget Bardot. Get me out of here. Take it to the place. It's a party, yo. I know, I know. Inside, outside, everywhere I go. Things are getting heavy and it's keeping me low. I've got to get away from the world I know. Break free, let it be out of control. Flip side, right side, all around. Time to listen to my rhythm and leave this town. Cause I wanna hit a place that is off the ground. So I get into a spaceship and get up to get down. Everybody go, get into a spaceship made of gold. Cause we're heading to a party where the people all know that it's time to live it up and let the good times roll. Shame on me, dance with me. Tout le monde ensemble, allons-y. Let's be free, oui, oui, chérie. Won't you come and play with me? Les grands numéros 1 des Palmarès de cette semaine. Mais avant de dire c'était quoi le numéro 1, voici un petit résumé de ce qui s'est passé dans la troisième heure du côté anglophone. En quatrième, on retrouve The Hives avec Won't Be Long qui descend de 2 places. En troisième, ça monte de 2, Emergency Street de la formation Halo Trans. En deuxième, ça monte de 4, Black Mountain avec Stormy High. Et le numéro 1, on vient tout juste de l'entendre, c'est Stable, c'est Creature de, avec Bridget Bardot. Cinquième semaine de présence. Du côté francophone, l'ancien numéro 1 se retrouve en quatrième, La Guerre des Mondes des Gigolos. En troisième, ça monte d'une place, Piano Élégant de Chocolat. En deuxième, plus 3 pour En Attente de Moment Présent de la formation Éléphantine. Et le grand numéro 1 était numéro 3 la semaine dernière, c'est Zurung remixé par Acirca. La pièce s'appelle 1981. C'est déjà la fin de la portion palmarès. C'est fou de l'émission. On va être de retour dans à peine quelques minutes avec une grosse émission. De quoi? Une petite demi-heure. Petite vingt-cinquaine de minutes, comme on dit. Écoutons là-dedans la chanson. Je vais vous présenter là-dedans The Deers. OK, go! Il va y avoir du Radio Radio, du Crystal Castles. Et j'ai envie de... Je vais peut-être me faire plaisir parce qu'on a vu que Gatineau a quitté le palmarès cette semaine. Et je trouve ça triste de les voir partir comme ça. Hein? C'est plate. Donc on va peut-être en faire jouer. On verra. Tout ça est un paquet de plaisir et on balaye le plancher. On parle de gens stupides qui font des choses stupides dans la dernière demi-heure avec Écoutons la don, la chanson. Restez avec nous. Palmarès, c'est fou. 89 FM, c'est comme une comptine. Pendant 23 minutes, après les palmarès, c'est fou. Écoutons la don, la chanson. Bonjour, bienvenue, écoutons-la dans la chanson. Toujours Mathieu Plante avec vous pour une dernière demi-heure. Et là, ben, j'accueille Kiwan qui anime la dernière porte à gauche juste après nous les vendredis soirs. Salut Mathieu. C'est Kiwan. C'est moi. Salut. J'arrive juste à temps pour écoutons-la dans la chanson. Tu vois, t'es bon pour ça, toi. T'arrives au bon moment tout le temps. Ouais, tout le temps, je suis pas sûr. Non, là, mais aujourd'hui, disons aujourd'hui, oui. J'essaie d'être fin, tu sais. Donc, dans cette dernière demi-heure des Palmarès et Fous, on va entendre, entre autres, du 1981, la pièce 1981, pas remixée par Acirca, parce que Zuro, à la base, avait fait cette pièce-là normalement, puis Acirca l'avait pris, le modifié, et s'est retrouvé au numéro 1 du Palmarès et Fous. Donc, c'est bien pour eux. On va commencer avec une pièce de Gatineau qui vient de quitter les Palmarès avec une très, très bonne pièce qui s'appelle Rap Maudit. Est-ce que t'aimes Gatineau? Ben, ouais, c'est pas pire. Ouais, tu trippes pas, t'en fais pas passer. Ben, j'en avais parlé dans ma revue de l'année 2007, que je trouvais que ça se démarquait, mais c'est pas le genre de musique que j'écoute tout le temps, mais dans ce style-là, ouais, je trouve que c'est bien. Bon, on va les écouter avec une pièce qui s'appelle « Tout le temps de quoi », parce que je trouve qu'elle a un genre de mood, le fun, et spécial. Ben, ouais, écoutez ça. Tout de suite. Écoutons la don. La chanson. Ben, okay. Voilà. Y'a tout le temps de quoi? La vie est faite de main, t'as pas un choix. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud. Soit t'arrives trop tard, soit t'arrives trop tôt. Y'a tout le temps de quoi? La vie est faite de main, t'as pas un choix. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud. Soit t'arrives trop tard, soit t'arrives trop tôt. T'es heureux, mais ça dure jamais longtemps. Faut que tu penses à descendre, tout en montant. On vit avec au-dessus de la tête, une épée dans mon clin, c'est le même. Que ça me place, que ça me déplaise. Ça va bien, j'm'attends à savoir une règle, j't'habitue au malheur. J'connais l'air pis la musique, quand j'essaie de m'en sortir. Il faut que ça parle, c'est toujours trop mon chemin. Faut que je leur parle. Si j'me mets ça juste un peu en équilibre, si jamais j'réussis à rester juste un peu libre, c'est pas long que la vie mène dans l'arbre. Que j't'en dans une relation, pis j'm'attarde. Dans une cage, aussitôt que j'y arme, j'confonds le bourreau avec l'espace qui se trouve en. La folie de l'autre avec celle que j'en ai deux temps. Ça me stresse, au lieu de me détendre. Y'a tout de quoi? La vie est faite de main, t'as pas un choix. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud. Soit t'arrives trop tard, soit t'arrives trop tôt. Y'a tout le temps quoi? La vie est faite de main, t'as pas un choix. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud. Soit t'arrives trop tard, soit t'arrives trop tôt. We'll be right back. de l'ombre. On vit dans un univers conçu d'un duel, et c'est le même. Mais je me fais pas l'idée. J'expérimente l'amour avec un baisse bancaire. Si je me sens rassuré, je ressens quand même de la peur. J'ai de la vie d'un côté comme la médaille. La perfection en ce monde, pas celle de sociale. 1981, version originale par Zurung. On connaît la pièce remixée par Asirka, qui est au numéro 1 francophone en ce moment, mais j'avais envie de vous partager l'autre version qui est pas super différente, n'est-ce pas, Kiwan? Ben, quand même excellente, je trouve. Très bon, hein? T'es-tu né en 81, toi? Non, 83, moi. Ah, moi aussi. Hey, cool! On peut pas écouter cette pièce-là de bord, là, ça s'adresse pas à nous, tu vas bien. T'as vu que ça parle de si t'étais né avant que le sida soit populaire. Ça n'a vraiment pas rapport comme piège. Alors ça, c'est 1981 de Zurung. Allez voir le Zurung.com pour télécharger cette version-là et l'autre aussi. Les deux sont en MP3. C'est Zurung.com, Z-U-H-R-U-N-G.com. Voilà. Voilà. J'ai promis tellement de choses dans cette émission qu'on va retourner en musique. J'ai vraiment promis plein d'artistes. On va entendre du Crystal Castles, mais on va précéder ça par un groupe qui va être en spectacle le samedi 3 mai à 21h30 à l'Embuscade. C'est Radio Radio, un groupe de hip-hop acadien. C'est un style, tu sais. Je connais pas. C'est dans le style de Gatineau, mais tu sais, Gatineau, c'est comme du hip-hop joké un peu. Ouais. Les autres, c'est comme du vrai hip-hop, mais acadien. Donc, les voici tout de suite avec Cliché Hot. Yo, Cliché Hot. Écoutons la don. Listen to this, the song. Listen to it. Cliché Hot. Cliché Hot. Cliché Hot. Cliché Hot, je me réveille, cliché Hot dans mon lit. Prends ma promenade, puis j'ai vite compris. Cliché Hot, la nouvelle mode qui rend ta vie, petite culotte, porte chartelle aussi. Cliché Hot, personnage et vivre au ciel compris. Cliché Hot, la mode à elle ou la mode à lui. C'est cliché Hot, t'es compliqué, d'un cliché Hot, t'es le conflit. Cliché Hot, c'est la mode, celle-là qui est pas consentie. Belle fille qui rentre dans la place, c'est si jolie. Elle pime ses orteils, vêtements, puis sa face aussi. Cliché Hot, c'est lui dire, tu la vois dans ton lit. Cliché Hot, un sourire, puis elle te dit, moi aussi. Pas capable de voir le cliché, vocab. Tu sais qu'est-ce qui est cliché? Mon popsicle, une frappe, deux frappes, troisième frappe aussi. Pas besoin de prescription, ta première frappe est free. Ice cream, you scream, tout le monde veut de l'ice cream. Le ice cream man, t'as des flavors dans la van. J'ai dit ice cream, you scream, tout le monde veut de l'ice cream. Le ice cream man, t'as des flavors dans la van. Une frappe, deux frappes, troisième frappe aussi. T'as pas besoin de prescription, ta première frappe est free. J'ai dit une frappe, deux frappes, troisième frappe aussi. T'as pas besoin de prescription, ta première frappe est free. Yo, cliché hot, cliché hot. Cliché hot, cliché hot, cliché hot, hot, cliché, cliché hot, city hot, city cliché, cliché hot. C'est qui fume des dutchy dutchy coucou van dot. City hot, city cliché, cliché hot. C'est qui fume des dutchy dutchy coucou van dot. J'veux pas te mettre sur le spot, mais t'es cliché hot. Porte une skirt dans l'hiver, comme une forme de pomme de terre. Look at that, check le Gino pour la l'air. Chemise ouverte, et tiens 20 pièces, va t'acheter du nerf. Une grosse moustache comme Magnum P.I. C'est le stéréotype, oui c'est cliché hot. Le gangsta, ouh oui t'es gangsta. Pimp chain, BB gun dans les vidéos. Cadillac avec un corps ou dans le coffre. Qui sait la main du flic, ça c'est chic. Original, le seul qui pense de faire ça. Ouh, regarde ça. Des tubes sur petite culotte avec un nom Wesley dans l'élastique. Des rimes faites en plastique, ouh c'est fantastique. Déjà vous, comment allez-vous? Ou t'es get the review? La cliché hot madame avec le tube top. Parfaite combinaison, faite pour la saison. Faites sans raison. Cliché hot, cliché hot. C'est quoi ce cliché? Moi c'est cliché hot. Cliché hot, cliché, cliché hot, cliché. Arrache ta chemise, bitch, t'es cliché hot. Cliché hot, hot, cliché hot, c'est cliché hot, c'est cliché hot, cliché hot, cliché hot, c'est cliché hot, c'est cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot. J'veux pas te mettre sur le spot, but t'es cliché hot. Urban style turn fit, y'a des femmes qui te cassent à la glace. Le vieil fade comme un changement now. Trois jours à la mode, quatre jours d'étion. So, écoute le sound qui dit que t'es bon. J'te dis que t'es bon, c'est ça qui veut. Positive reinforcement pour les enfants. Oh jet never mind, le boss dit non. Le monde refuseront, le rejecteront. Le traduiront, puis ils finiront. À l'entendement, jusqu'ils l'acclameront. Et l'écouteront, et diront que parce qu'il aimait. Ah ouais, y'a ta grace, c'est à mon fait. Révolutionnaire, il faisait vraiment de la suite. Rien qu'une fois que t'es gone, que tu sois venu. Ton image à la mode, mais t'y personne t'a vu. Un récent, tout le monde le veut. Un récent, tout le monde est né. Un récent, tout le monde le voit. Un récent, tout le monde est là. Un récent, tout le monde le veut. Un récent, tout le monde est né. Un récent, tout le monde le voit. Un récent, tout le monde est là. C'est-tu en radio, radio? Radio, radio. Avec la pièce Cliché Hot qui jouait dans votre radio. Ça chill. Ça chill dans le ghetto, pas mal fort. Il va être en spectacle le 3 mai, samedi 21h30 à l'Embuscade à Trois-Rivières au centre-ville sur Bédo. La rue Bédo. La rue Bédo. Juste avant, ben, on a entendu du Zurung et puis du Gatineau pour ceux qui suivent à la maison. Allez voir lunechance.com pour les liens et pour savoir ce qu'il y a joué dans l'émission de cette semaine. Maintenant, ben, pour faire plaisir à nos fans... Oh. C'est l'heure de balayer le plancher. Oh. On commence le tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides à Honolulu. Hein? Honolulu. On commence avec deux pilotes du transporteur aérien Hawaii-Go qui ont été congédiés pour avoir raté la piste d'atterrissage de 24 km au moment où ils tentaient de se poser sur l'île principale de cet archipel. Le groupe Mesa Air a confirmé que les deux pilotes ont été virés, mais il a refusé de les identifier. Mesa gère ce transporteur aérien qui assure des liaisons entre les îles hawaïennes. Les enquêteurs qui se penchent sur cet incident essaient de déterminer si les pilotes s'étaient endormis quand leur avion, qui transportait 40 passagers, a dérivé loin de sa trajectoire prévue lors d'un vol entre Honolulu et Hilo le 13 février. La tour de contrôle a été incapable de contacter les pilotes pendant 25 minutes. L'avion s'est finalement posé sans problème, à Hilo. Le syndicat américain des pilotes de ligne conteste le congédiement au nom des deux pilotes. L'avocat du syndicat affirme que le licenciement est survenu il y a 10 jours. Petit aéroport, facile à rater, mais quand t'es un pilote, t'es supposé, t'sais, savoir comment piloter un avion. Hein? Ouais, mais là, si tu fais la sieste, ça compte pas, par exemple. Ah, j'avoue que faire une sieste dans un avion quand tu conduis, c'est toujours le fun. Ouais, je pense que c'était ça l'argument du syndicat d'ailleurs, c'est, hein, il dormait, fait que ça compte pas, c'était comme un coup de pratique. OK, pour la première fois dans les annales judiciaires, un projectile a été tiré dans une salle d'audience et le tireur portait une toge puisqu'il s'agit du juge Réal Lapointe de la Cour du Québec à Gatineau. Vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle. L'incident est survenu dans le cadre d'un dossier d'invasion de domicile alors que le juge Lapointe a demandé à voir l'arme, un pistolet à air comprimé, afin de vérifier si la crosse de la dite arme était intacte ou si elle avait pu servir pour frapper la victime. Alors qu'il manipulait le pistolet, le magistrat a senti, selon ce qu'il a par la suite expliqué au droit, que l'arme venait de se décoincer, en référence au fait qu'un policier de Gatineau qui avait témoigné au début de l'enquête sur remise en liberté des deux accusés avait éprouvé des difficultés avec le pistolet qui s'était enrayé. De toute évidence, en manipulant l'arme, le juge Lapointe a réussi là où le policier avait échoué, c'est-à-dire de rendre l'arme fonctionnelle. Toujours selon les explications données au droit par le magistrat, ce dernier dit avoir senti une pression sur la gâchette de l'arme et c'est justement dans le but de faire sortir cette pression qu'il a pointé le canon de l'arme en direction du sol. L'incident a amené les autorités à redoubler de prudence à l'avenir afin d'éviter que des armes chargées se retrouvent par mégarde dans une salle d'audience. Bonne idée, hein? Ben, come on. Il me semble que c'est pas mal la première affaire que tu vérifies, voir si l'arme est chargée ou pas. Bon. Moi, c'est ce que je ferais. J'imagine. Ouais. La police de Sheboygan, dans l'état du Wisconsin, recherche un homme qui a tenté de voler une statue d'une arachide M&M dans une épicerie. Selon la police, l'homme a quitté le magasin vers 16h10 samedi en emportant avec lui le personnage promotionnel jaune d'un mètre de haut, mais il a été repéré par un employé qui l'a suivi jusqu'à son véhicule. Le voleur était en train de poser sa prise sur le siège arrière de sa voiture lorsqu'il a été pris à partie. Le délinquant a alors offert $5 à l'employé zélé pour garder le bonhomme en forme d'arachide qui vaut en réalité $50. L'employé a alors récupéré la statue à l'extérieur du véhicule avant que le fan de confiserie ne prenne la suite. Ah, oh, mais c'est coquin, ça, comme crime, là. C'est cute, hein? Avoue, t'aimerais ça en avoir une, toi aussi. J'en veux deux. Comme... Ben, moi aussi, au moins, là. Pour au moins qu'ils puissent se parler, la jaune puis la rouge, mettons. Ouais, ouais. Ou la verte, c'est une fille, la verte. C'est même verte. Ouais, sexy, je pense. Hein. C'est à fond dans la bouche. J'ai posté un autre lien pour un autre article qui s'appelle « La Louisiane a failli interdire les pantalons portés trop bas ». Les gens qui sont intéressés par cet article, allez voir le www.unechance.com. Nous, on doit rapidement l'entendre. La prochaine pièce, c'est Crystal Castles. Voici à l'instant même « Untrust Us ». Écoutons-la donc. La chanson. 89.1 FM, deuxième partie des palmarès. C'est fou, on revient avec la conclusion et un petit avant-goût de ce qui s'en vient dans la dernière porte à gauche avec Maître Kiwan. Ben pourquoi? Fais attention à ton fusil, là. Ouais, comme. Oh, Crystal Castles, avec une pièce qui s'appelle Untrust Us, de leur album éponyme. C'est tout frais, assez fou ça, et c'était le poste d'or à l'émission Le Poste d'écoute de cette semaine. Émission que j'anime les vendredis matin à 10h. Donc c'est déjà la fin pour les palmarès, c'est fou, écoutons à don la chanson. C'est la dernière porte à gauche avec Kiwan qui s'en vient à partir de 20h le vendredi soir. Toujours à sa place, donc je vais pas dire bonsoir Kiwan. Ouais, c'est ça, je suis encore là. Qu'est-ce qui s'en vient à la dernière porte? Il va y avoir entre autres du Vian Tirsen, il va y avoir La Descente du Coude qui sort un album la semaine prochaine, il va y avoir du Endclaps, Feu Thérèse, Bonjour Brunard, Carquois, etc., etc., dans votre radio. Radio. Le gars a noté ses pièces pour ce soir, d'habitude, c'est comme je vais sûrement jouer ça, peut-être. Ouais, puis je panique, puis je cherche des noms au hasard, mais non, aujourd'hui c'était tellement professionnel. Quelle bonne émission, qui est la dernière porte à gauche. Ça a changé de case horaire, en fait, ça reste le vendredi soir à 20h en direct, mais il y a plusieurs rediffusions, allez voir le cif.ca. Les rediffusions changent de place à partir du 28 avril, donc faut se renseigner, faut se tenir au courant des fois. Je vais maintenir au courant. D'ailleurs, les palmarès c'est fou vont changer de place, parlant de rediffusion qui change de place. On va être les mercredis de 16h à 19h. On rappelle aussi les jeudis de 15h à 18h, mais on est toujours en direct les vendredis soirs de 17h à 21h. Pas besoin de retenir tout ça, c'est tout au complet sur le cif.ca. Vous pouvez aller retrouver les pièces qui ont joué ce soir avec ton radon à la chanson sur le site de l'émission au unechance.com. Même place pour la balado-diffusion en MP3. Donc, allez-y, tous en cœur, tous ensemble, tous en même temps. Tenez-vous par la main. Ouais, c'est super le fun de visiter ce site-là. On apprend plein de trucs. À quand le blog de la dernière porte à gauche? Un jour, sûrement. Sûrement. On espère. Enfin, bon, à la semaine prochaine, moi, je vous retrouve à la connexion et dans le poste d'écoute. Faites attention à vos genoux. Bonne semaine et bonne chance. Merci, Kiwan. Merci à toi, Mathieu. T'es très fin. Oui, toi aussi, Mathieu. C'est un don assez fou. Ah, quelle radio qui rapproche les gens. Incroyable. On se quitte sur une pièce de OK Go. Voici à l'instant même No Sign Alive. Yay! Yay!